La duchesse prit un air froid à ce discours anti-religieux dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la vicomtesse « Monsieur arrive. » Madame de Beauséant se prit à rire franchement et de son cousin et de la duchesse. « Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. » « Madame la duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ce qui nous charme ?»« Allons, se dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur. Mais Madame de Restaud est, je crois, l'écolière de Monsieur de Trailles, dit la duchesse. « Je n'en savais rien, madame, reprit l'étudiant. Aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari, je me voyais souffert pour un temps par la femme, lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. « Qui est-ce ? » Dirent les deux femmes. « Un vieillard qui vit à raison de 2 louis par mois au fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant. Un véritable malheureux dont tout le monde se moque et que nous appelons le père Goriot. « Mais, enfant que vous êtes, s'écria la vicomtesse, Madame de Restaud est une demoiselle Goriot. La fille d'un vermicellier, reprit la duchesse, une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier. Ne vous en souvenez pas, Clara ? Le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine. « Des gens, commandons, des gens, eius dem farinae, dit Eugène, de la même farine. C'est cela, dit la duchesse. « Ah, c'est son père, reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur. « Mais oui, ce bonhomme avait 2 filles, dont il est quasi fou, quoique l'une et l'autre l'aient peu à peu renié. « La comtesse n'est-elle pas ? » dit la vicomtesse en regardant Madame de Langeais, « mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nucingen ? Ne se nomme-t-elle pas Delphine ? N'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra, qui vient aussi au bouffon et rit très haut pour se faire remarquer ?»